Les éditions de l'avenir présentent les résumés des aventures de Perry Rodden, tels que rédigés par Michel Van Rue. Cycle 2, Atlan et Harkonnis. Le fascicule allemand numéro 60, Forteresse Atlantis, écrit par K.H. Scheer en 1962, fut adapté en première partie du volume français numéro 27, Le poids du passé, paru chez Fleuve Noir en 1974. En octobre 2040, le capitaine Hubert Gorlat, des services de sécurité, vient chercher Atlan dans son appartement. Il est amené à bord du Drusus, la nef amirale de l'Empire solaire. Face à Perry Rodden, il explique qu'il veut retourner sur Harkonnis, mais le Stellark lui fournit toutes les preuves de la décadence des Harkonnides et Atlan doit se rendre à l'évidence. Perry Rodden l'informe de ce qui s'est passé dans le système de Mirsal, avec la disparition de toute la population. Atlan reçoit un choc, car il a déjà eu affaire dans le passé à ce type de phénomène. Il commence alors à relater ce qui s'est déroulé 10 000 ans plus tôt. À cette époque, les Harkonnides mènent une guerre acharnée contre les Métanés, un peuple habitant des planètes à atmosphère d'ammoniac et de méthane. Dans le système de l'Arsaf, un petit soleil jaune, les Harkonnides ont fondé une colonie sur la deuxième planète, l'Arsa. Un colon a envoyé un message de détresse au Conseil des Sages d'Harkonnis, se plaignant des méthodes du gouverneur Amonar de Sicol. Atlan, qui a le rang d'amiral d'escadre, a été envoyé pour remettre de l'ordre. Amonar est arrêté et renvoyé sur Harkonnis. Atlan a aussi envoyé un message. Il attend son rappel, peu intéressé par ce système éloigné. Une délégation de colons vient voir Atlan. Parmi les habitants de l'Arsa se trouvent 5 000 Zacrébans, amenés ici par erreur et à qui le climat de l'Arsa ne convient pas. Ils demandent à être amenés sur la troisième planète. Atlan va voir de plus près cette planète et trouve l'endroit idéal, une vaste île entre deux continents. Il obtient du Conseil des Sages l'accord d'évacuer les colons. Après avoir laissé sur place le capitaine Feltif et des hommes et du matériel, Atlan quitte le système de l'Arsaf pour participer à la guerre contre les Métanés. 2 ans plus tard, Atlan reçoit un message de l'Empereur qui le renvoie dans le système de l'Arsaf qu'il a déjà oublié. La planète Larsa subit une attaque inconnue et 100 000 colons ont mystérieusement disparu. Quand Atlan arrive, il apprend que le problème n'a rien à voir avec les Métanés. Les navires ennemis semblent appartenir à une autre dimension. Des habitants de l'Arsa ont disparu sans laisser de traces. Un des croiseurs d'Atlan détecte un des étranges navires qui se déplace à moitié dans l'hyperespace, à moitié dans l'espace normal. L'escadre se jette dessus, mais sans effet. Le croiseur Harkonnide Matato ne répond soudain plus, et le navire inconnu disparaît sans faire réagir les détecteurs de structure. L'équipage du Matato a disparu, à l'exception d'un marin dont la moitié du corps semble figée dans le temps. Grun, chef des mathématiciens du Tosoma, la nef amirale, propose de transformer des blocs de propulsion en canons. 2 anciens croiseurs sont sacrifiés. Atlan réquisitionne des cargos et fait renvoyer la majeure partie des colons sur Harkonnis. Il n'en reste plus que 150 000. L'Arsa est brusquement attaquée. Un front d'anéantissement se traduisant par un miroitement d'air se propage sur la planète, faisant disparaître tous les animaux et les humains. Pour Grun, ce n'est pas l'effet d'une arme, mais un effet naturel. Quand le rideau s'approche d'Amonaris, la capitale de Larsa, les blocs de propulsion transformés en canons ouvrent le feu. Des concentrations d'énergie se produisent dans l'espace sous forme d'entonnoirs, et toute l'escadre d'Atlan disparaît, à l'exception de 3 navires. Atlan et les survivants rejoignent l'Arsaf 3. Une citadelle, recouverte d'une coupole d'arconite, est installée au fond de l'océan pour abriter les survivants en cas d'attaque. Atlan informe le Conseil des Sages de la situation, mais ils sont uniquement préoccupés par la guerre des Métanies. 2 mois plus tard, Atlan repart pour l'Arsa en reconnaissance. Un des vaisseaux étrangers a pu être détruit, un long fuseau noir. Atlan reçoit un étrange appel mental. Il se rend seul sur un mystérieux astronef qui se révèle être une nef robot. Un inconnu lui remet un appareil censé arrêter le vieillissement, un activateur cellulaire et les plans d'une arme redoutable, le canon à convertisseur. Il entend aussi un rire tonitruant. Quand Atlan retrouve ses hommes, 18 heures se sont écoulées à l'extérieur. Les plans du canon à convertisseur sont envoyés sur Arconis, ainsi que 2 transports abritant 40 000 colons. Atlan s'occupe à fortifier Atlantis, attendant l'affrontement décisif. Une fois réveillé, Atlan apprend de Perry Rodden l'identité du mystérieux maître de la nef robot lui ayant remis l'activateur cellulaire, l'Immortel. Le secret du canon à convertisseur a été, hélas, perdu depuis. Le fascicule allemand numéro 61, L'espion robot, écrit par Clark Dalton en 1962, fut adapté en 2e partie du volume français numéro 27, Le poids du passé, paru chez Fleuve Noir en 1974. Alors que Rodden s'entretient avec Atlan après son récit sur Atlantis, un appel urgent est reçu de Terrania. Just Goodman, un membre de la milice des mutants en mission sur la planète Swoofon, a émis le signal « La cloche a sonné 3 fois », synonyme d'un grave danger pour la Terre. Le Drusus met immédiatement le cap sur cette planète dont les habitants, les Swoons, sont des spécialistes en microtechnique. Une gazelle se rend à la surface pour récupérer Kuhlman. Ce dernier, toutefois, affirme n'avoir émis aucun message. Il est amené à bord de la nef amirale en compagnie de son animal de compagnie, Musel, un poisson-cal, dont la forme rappelle celle d'un basset. Kuhlman est mis entre les mains des mutants qui ne trouvent rien d'anormal chez lui. Des signaux inhabituels sont alors repérés. Il s'agit d'une balise et on soupçonne la présence d'un espion à bord. Le retour sur Terre est retardé. L'émir fraternise avec Musel, bien qu'il trouve étrange que ses pensées tournent toujours autour de l'élément aquatique. Alors qu'il interroge le cerveau P, Atlan est paralysé par un inconnu. Le Drusus plonge vers le centre de la galaxie. Plusieurs billes de 0,2 mm de diamètre sont découvertes, chacune contenant un hypercom miniaturisé. D'autres analyses de Joss Kuhlman ont montré qu'un barrage mental bloquait une partie de sa mémoire. Même le fascinateur André Lenoir n'arrive pas à faire sauter le blocage. Atlan soupçonne Musel, mais une analyse de son sang ne révèle rien d'anormal. Des tas d'immondices sont découverts dans les conduits d'aération composés de viande crue et de carottes, le tout dissous par un ferment d'origine non terrienne. Alors qu'ils passent devant les archives positroniques, Rodden découvre qu'elles ont été utilisées. Les coordonnées secrètes de la Terre ont été lues. Pour piéger l'espion, on annonce que le Drusus plonge vers la Terre alors qu'il se dirige vers le centre de la galaxie. L'espion est finalement démasqué et tué. Il s'agissait bien de Musel. Son corps était bien celui de Posancal, mais une petite capsule dans sa tête dirigeait ses mouvements. Ses pensées provenaient d'un cerveau d'un animal aquatique greffé à l'intérieur. Josh Kuhlman retrouve sa mémoire à l'instant de la mort de Musel. Le fascicule allemand numéro 62, Les Azurés, écrit par Cotemar en 1962, fut adapté en deuxième partie du volume français numéro 25, Les Exilés d'Alger, paru chez Fleuve Noir en 1974. Plusieurs personnes tombent malades dans la ville de Verseuil, sur la planète Alger. Certains trouvent la mort. Mullen part en expédition avec un hélicoptère. Il est accompagné par sa femme, Frody, Milligan et Passion, un Arcadien qui a désavoué les ambitions criminelles de Hollander. Ce dernier prépare sa revanche et il envoie trois hommes pour éliminer Mullen, Harper, Glennon et Sislarzik. Mullen et ses compagnons établissent un campement après que l'hélicoptère soit tombé en panne. Frody est attaqué par un serpent, mais sauvé par un animal rappelant les singes Rhesus. Ces singes, qui montrent une certaine intelligence, sont baptisés Ricky. Milligan tombe malade et est sauvé grâce au Ricky qui prépare une bouillie avec des feuilles qu'il mâche auparavant. Harper, Glennon et Sislarzik arrivent auprès du campement, mais Sislarzik est tué par Harper. Mullen les voit et capture les deux hommes. Ils repartent ensuite pour Verseuil. Là, les deux hommes sont condamnés à plusieurs années de détention, l'épave de l'aventureux servant de prison. Les malades sont soignés avec la bouillie préparée par les Ricky. Mullen repart en expédition avec la même équipe. Ils établissent leur camp sur une île au milieu d'un large fleuve. Ils sont témoins de l'apparition de milliers d'aigrettes de lumière, comme des feux de Saint-Elme. Les quatre terriens perdent connaissance et se retrouvent prisonniers dans une vaste salle remplie d'appareils inconnus. Les ravisseurs sont des créatures appelant des chiffons bleus scintillants. Ils sont baptisés Elm ou Azuré. Les Elmes les libèrent et les emmènent dans leur ville située sous la colline. Dotés de pouvoirs paranormaux, ils ramènent les terriens à l'hélicoptère où ceux-ci récupèrent les batteries vides. Ils peuvent les recharger dans leur ville grâce à un générateur de courant primitif. Passion se révèle être un homme de Hollander. Il abat Mullen d'une balle en plein cœur et fuit avec l'hélicoptère. Mullen est soigné par les Azurés. Après plus d'un mois, les Azurés amènent Mullen, Frody et Milligan à proximité de Verseuil. Milligan entre en secret dans la ville et apprend que Hollander a repris le pouvoir. Mullen tombe ensuite sur un inconnu qui se présente comme un Arcadien, Gunther Chelish. Les Azurés viennent les rechercher. Ne pouvant les emmener tous les quatre dans les airs, ils en emportent d'abord trois, laissant Chelish seul. Celui-ci est enfin un homme de l'astromarine solaire, chargé de surveiller les exilés. Le fascicule allemand numéro 63, Les Microtechniciens, écrit par Clark Dalton en 1962, fut adapté en première partie du volume français numéro 28, La Citadelle cachée, paru chez Fleuve Noir en 1974. Sur le Drusus, Josh Kuhlman fait son rapport sur ce qui s'est passé sur Swifon. Les Swoon, les microtechniciens les plus habiles de la galaxie, ont accepté de construire un anticompensateur de structure, ce qui risque de trahir tôt ou tard la position de la Terre. Perry Rodden pense d'abord détruire les plans, mais Crest propose plutôt de s'en emparer pour construire un appareil pour contrer ses effets. Perry Rodden se rend sur Swoofun le 10 novembre 2040. Il se fait passer pour un émissaire du régent à la poursuite de dangereux criminels francs-passeurs. Il ordonne le blocus total du système et obtient même l'appui des lourds de Talamon. L'émir, Kulman et Wuryusangu partent en reconnaissance et pénètrent dans une des nombreuses villes souterraines. L'émir établit le contact avec l'ingénieur Waf. Les Terriens apprennent que les Swoon travaillent pour un franc-passeur nommé Drog. L'émir amène les Swoon, Waf et Marcas auprès de Perry Rodden pour leur dévoiler leur plan. L'émir, Marcas et André Lenoir se lancent ensuite à la poursuite de Drog et réussissent à faire des doubles des plans de l'anticompensateur de structure. Tout souvenir de cette arrestation est effacé de la mémoire de Drog. Ils ont aussi appris que c'est le régent qui est à l'origine de cette opération. Comme l'appareil devant contrer l'anticompensateur de structure nécessite une main-d'œuvre Swoon, Perry Rodden décide d'en emmener 20 000 avec leur accord. Toute la population d'une université est transférée à bord du Drusus. Le croiseur prend en chasse une de ses propres chaloupes, faisant croire qu'il s'agit du criminel recherché. La chaloupe s'écrase sur l'université, effaçant ainsi toute trace. Le fascicule allemand numéro 64, dans La prison du temps, écrit par Clark Dalton en 1962, fut adapté en première partie du volume français numéro 29, Les traquenards du temps, paru chez Fleuve Noir en 1974. Janvier 2041. Perry Rodden décide d'envoyer une équipe dans l'autre univers. La prochaine interférence entre les deux univers a été identifiée. Le système de Morag, dont la principale planète est Tatstar, le monde des Néo-Arcanides. Une gazelle, sous les ordres du lieutenant Marcel Roux, se pose à Akonar, la capitale planétaire. Roux va voir l'administrateur Arcanide pour l'avertir du danger, mais celui-ci ne le croit pas. Des disparitions mystérieuses commencent à se produire, mais l'administrateur soupçonne les Terriens d'en être à l'origine. La population finit par disparaître complètement. Les analyses révèlent, comme prévu, que la matière inerte a vieilli de plusieurs millénaires. Le générateur de champ lenticulaire, permettant d'ouvrir une fenêtre sur l'autre univers, est activé. Il génère un cercle de lumière d'un mètre de diamètre. Marcel Roux, Ivan Dragov, Fred Arras, Fritz Steiner et Joshua le franchissent. Ils se retrouvent sur un monde qui leur semble pétrifié, le temps s'écoulant 72 000 fois plus lentement. Ils découvrent des animaux ressemblant à de gigantesques chenilles, émettant un bruit sourd et baptisés pour cela « Drouf ». Ils pensent avoir découvert les maîtres de cet univers. Un vaisseau étranger est alors remarqué, une chaloupe bardée de caméras. Elle a été envoyée depuis un vaisseau-mère dont les occupants s'inquiètent de la présence de ces étrangers qui mettent en danger le processus de fusion des deux plans temporels en cours. Profitant de l'avantage que leur procure le décalage temporel, les Terriens détruisent la chaloupe. Ils font ensuite une tentative pour arracher une chenille à son rythme temporel. Ivan Dragov emporte une chenille avec lui et entreprend de dépasser la vitesse de la lumière de ce monde à l'aide de son armure arcanide. La tentative réussit. Il découvre ensuite la chaloupe C7, celle qui avait disparu sur Myrsal. Ils ramènent l'équipage dans leur rythme temporel avec la même méthode que la chenille. Pour eux, à peine 2 minutes se sont écoulées. Malgré le décalage temporel, ils émettent un SOS avec la chaloupe et attendent les secours. Le fascicule allemand numéro 65, Un souffle d'éternité, écrit par Clark Dalton en 1962, fut adapté en deuxième partie du volume français numéro 29, Les traquenards du temps, paru chez Fleuve Noir en 1974. Le 13 janvier 2041, 10 jours après la disparition de l'équipe du lieutenant Roux sur Tatstar, Perry Rodden va voir ce qui s'est passé. La gazelle est retrouvée sans occupant et le GCL détruit. Lors d'un deuxième voyage, un nouvel appareil plus perfectionné est testé, mais sans aucun effet. En juillet, il est établi que le GCL n'était pas adapté aux conditions régnant après une interférence. Un nouveau modèle est construit et baptisé Chronoclast ou Bristan. Le Drusus repart pour Tatstar et crée une fenêtre par laquelle pénètre la frégate Sambo, laquelle dispose aussi d'un chronoclast. L'équipage de la Sambo retrouve Marcel Roux et ses compagnons. L'émir confirme ce qu'il supposait, à savoir que les chenilles sont innocentes et n'ont rien à voir avec le véritable ennemi, à qui on conserve toutefois le nom d'Ouf. Tout chemin de retour est coupé par l'arrivée d'astronefs en forme de fuseau, interdisant l'accès à l'anneau de feu généré par le chronoclast du Drusus. L'émir et Rashtubai se téléportent à bord des nefs Drouf, mais celles-ci ne sont occupées que par des robots. Sur le monde pétrifié, Rodden et ses compagnons découvrent, à leur grande surprise, qu'ils s'adaptent au rythme temporel de la planète. Chubai découvre sur un vaisseau une carte de la Terre où l'Atlantide est nettement visible. L'émir, lui, est capturé, mais il parvient finalement à s'échapper. Lors d'un saut, il se retrouve temporairement sur la Terre où il voit Perry Rodden, mais celui-ci est immatériel. Le mulot castor est brutalement arraché à cet environnement et se retrouve sur la Sambo. On suppose qu'en traversant la bulle brillante entourant les navires Drouf, il s'est aussi téléporté dans le temps. La Sambo approche de la nef amirale des Drouf, utilisant le transmetteur fictif contre les autres unités. Le vaisseau ennemi leur envoie un émissaire, un Kruk, mais celui-ci commence à prendre l'équipage sous contrôle mental. Il est mis hors d'état de nuire par le fascinateur André Lenoir. La nef amirale disparaît à l'instant où la Sambo utilise le transmetteur fictif. La Sambo revient dans l'univers normal où seulement 2 minutes se sont écoulées. Atlan suppose que l'usage du transmetteur fictif les a ramenés dans le passé, neutralisant le décalage temporel. Quelques mois plus tard, alors que Perry Rodden se promène dans la campagne de Terrania, il sent une étrange présence et découvre les empreintes de l'émir. Le fascicule allemand numéro 66, Le gardien des bannis, écrit par Kurt Marr en 1962, fut adapté en première partie du volume français numéro 32, La moisson de Myrta 7, paru chez Fleuve Noir en 1975. Horace O. Mullen et quelques compagnons, dont Gunther Chelish, ont installé un camp près de la colline où habite le peuple non-humain des Elmes pour prendre contact avec eux. Walter S. Hollander et Paschen tombent dans un piège que leur a tendu Mullen avec l'aide des Elmes. Les partisans de Hollander, apprenant la capture de leur chef, abandonnent le contrôle de la ville. Hollander est condamné à mort puis fusillé. Les Arcadiens qui avaient pris son parti sont condamnés à 2 ans de travaux forcés. Dans la nuit du 15 au 16 janvier 2041, la colonie est attaquée par des étrangers originaires de Myrta 12. Ces derniers, les Quinans, bombardent Verseuil, puis en font prisonnier tous les habitants. Marlon et Chelish sont emmenés à l'intérieur de l'astronef étranger, où ils apprennent que les Quinans veulent les réduire en esclavage et les obliger à cultiver des céréales pour leur compte. Ils apprennent aussi que Paschen s'est allié aux envahisseurs. Les Quinans laissent les colons en semi-liberté, leur permettant de retourner dans leur ville. Ils quittent alors Myrta 7, laissant sur place un camp de 200 soldats à proximité de Verseuil pour surveiller les colons en attendant leur retour. Paschen se fait l'intermédiaire des Quinans. Les colons acceptent à contre-cœur l'inévitable et commencent le travail tout en échafaudant des plans pour se tirer de ce mauvais pas. Chelish, en menaçant Paschen de faire croire aux étrangers qu'il les trahit, apprend notamment que les Quinans sont obligés de rester dans des tentes pressurisées et qu'ils envoient un signal régulier vers Myrta 12 pour annoncer que tout va bien. Le surlendemain, les colons s'emparent des armes des étrangers et, après une courte bataille, tous les Quinans sont faits prisonniers. S'assurant d'envoyer régulièrement le signal de routine à la place des Quinans, les colons ont alors tout le temps de construire une bombe atomique à partir des moteurs des machines agricoles. Une fois construite, la bombe est placée à l'endroit présumé du retour de l'astronef des étrangers. Quelques mois plus tard, en avril 2041, la bombe explose, détruisant l'astronef des Quinans juste après son atterrissage. Verseuil n'est pas directement touché, mais les colons préfèrent construire Nouvelle Verseuil à une distance suffisante à l'abri des risques de retombées radioactives. C'est le moment que choisit Chelish pour annoncer aux colons la présence du capitaine Blaylee et de sa gazelle sur Elgir. La présence des forces terriennes est bien accueillie et lors d'une entrevue entre Blaylee et Marlon, il est décidé d'implanter une base militaire de l'Empire solaire sur Elgir. En même temps, Paschen est remis à la justice terrienne. Le fascicule allemand numéro 67, intermède sur Silico 5, écrit par Kurt Brand en 1962, fut adapté en deuxième partie du volume français numéro 28, La Citadelle cachée, paru chez Fleuve Noir en 1974. Les aspirants de l'école astronavale de Terrania reçoivent leur diplôme de fin d'études. Parmi eux se trouve le lieutenant Thomas Cardiff. Il ignore qu'il est en fait le fils de Thora et Perry Rogan. Lors de sa naissance, Crest, comme le cerveau P de Vénus, on prédit qu'il risquait d'être étouffé sous la personnalité de son père et de sa mère. Pour cette raison, il a été élevé comme un orphelin. Il est affecté à la base de Rusuf sous les ordres du colonel Julian Tiffler. Plusieurs de ses compagnons remarquent qu'en période de tension, il ressemble énormément à Perry Rodden. Thora, désireuse de voir son fils, apprend que le baptême de la promotion a déjà eu lieu et part pour Rusuf. Alors qu'il séjourne sur la planète, des robots de combat arconides font irruption et, pendant les combats, Thora est enlevée. Tous les vaisseaux se lancent à sa recherche, bientôt rejoints par le Drusus. John Marshall et Kitai Shibashi apprennent que l'opération a été menée sous les ordres de francs-passeurs nommés Istrae Delagin. Thomas Cardiff participe aux recherches à bord d'une gazelle d'un type nouveau. Sur la planète Idris, il découvre des indices indiquant la présence d'un fort arconide secret dans le système 4186-4162. Il informe le Drusus qui le charge d'aller enquêter sur place. L'aviso est détruit en approchant de la lune Silico 5 qui génère un puissant champ protecteur. Le seul survivant est Thomas Cardiff. Emmené à l'intérieur par des robots, il est soudain confronté à sa mère qui le prend une seconde pour Perry Rodden. Lui-même comprend alors qui sont ses véritables parents et développe une haine farouche pour son père. Les forces terriennes ont eu confirmation de Delagin que Thora se trouve sur Silico 5 et le Drusus attaque le satellite. Après plusieurs combats, la forteresse est réduite au silence. Les forces terriennes l'investissent. Quand Perry Rodden retrouve enfin son fils, celui-ci exprime toute sa haine. Quand Rodden demande des explications au régent, celui-ci dit ne rien savoir de Silico 5. Le fascicule allemand numéro 68, Poursuite à travers les dimensions, écrit par Cottemore en 1962, fut adapté en première partie du volume français numéro 30, Délos a disparu, paru chez Fleuve Noir en 1975. En janvier 2042, Perry Rodden et Reginald Bull sont inquiets. Il est temps qu'ils renouvellent leur douche cellulaire, qui doit impérativement avoir lieu avant le 1er mai. Mais Délos n'est pas là où elle doit se trouver. La planète a certainement été victime de l'interférence entre les deux plans temporels. Le Drusus se rend à l'endroit où est censée être la planète artificielle, et le 17 janvier, la chaloupe C-238 est envoyée dans l'autre univers au moyen du chronoclaste. Elle arrive sur une planète dont l'orbite a été récemment modifiée, certainement par l'apparition de Délos. La chaloupe se pose sur la planète baptisée Solitude, qui semble pétrifiée par le décalage temporel, et à plusieurs reprises, une silhouette fantomatique est repérée. Ils la suivent et arrivent dans une crypte où se trouvent 6 caissons en forme de cercueil au milieu d'appareils technologiques. Ils utilisent un psychographe pour capter des pensées, mais la crypte explose. La lenteur du processus leur permet d'y échapper. Le psychographe prouve qu'une créature intelligente avait essayé de prendre contact avec eux. Plusieurs navires sont détectés dans l'espace. La chaloupe appareille et dépasse la vitesse de la lumière de cet univers, qui est de 4,7 km par seconde. Cela entraîne une perte de la causalité et les navires ennemis disparaissent. Bull et Rodden partent en reconnaissance à bord d'un triskaf et repèrent une nouvelle silhouette fantomatique. Ils trouvent une autre crypte, mais avant de faire leur recherche, ils désactivent la bombe. Brusquement, ils ressentent une forte chaleur et réalisent qu'ils viennent de basculer dans le rythme temporel de cet univers. Les 8 navires ennemis sont à nouveau là, mais la C-238 a disparu. Les terriens déterminent que la crypte habite le corps tronçonné en 6 d'un être vivant, un solitaire, capable de dissocier son esprit de son corps. L'esprit se manifeste sous la forme d'un ectoplasme. Les droufs sont responsables de cette mutilation et profitent des solitaires pour détecter des intrus. Les terriens rassemblent les 6 parties du solitaire de la crypte qu'ils baptisent Nathan. Des robots droufs interviennent, puis la crypte explose. Rodden suppose que les droufs sont passés dans leur rythme temporel et ont rebranché la bombe, certainement pour détruire un émetteur qui aurait permis de localiser la planète des droufs. Les robots commencent à construire un bâtiment, probablement pour replacer la planète sur son orbite d'origine. Le capitaine Hubert Gorlat et le lieutenant Michael Tompetsch parviennent à s'emparer d'un des robots jouant le rôle d'architecte. Profitant des conditions particulières liées à la perte de causalité, Rodden arrive à reprendre la C-238 quand elle se rematérialise et à ramener tout le monde à leur rythme temporel. Quand la C-238 arrive dans l'espace normal, on est le 21 avril 2042. Des spécialistes s'occupent du robot capturé et apprennent que Délos est revenu dans l'espace normal, mais à un endroit de son orbite qu'elle n'aurait dû atteindre que 18 000 ans plus tard. Quand le Drusus part le 23 avril, il ne reste que 8 jours à Rodden et Bull pour garder leur immortalité. Le fascicule allemand numéro 69, dans L'entre-espace guette la mort, écrit par Cottemore en 1962, fut adapté en deuxième partie du volume français numéro 30, Délos a disparu, paru chez Fleuve Noir en 1975. Le Drusus arrive à l'emplacement où est censé se trouver Délos, mais il ne trouve rien. Le détecteur de structure réagit comme si un objet cherchait constamment à se matérialiser depuis l'hyperespace. le lieutenant Marcel Roux tente en vain de passer dans l'autre univers avec le chronoclaste. Atlan suppose l'existence d'une dimension intermédiaire entre l'espace einsteinien et l'hyperespace, l'entre-espace. Le solitaire Nathan émit sa contribution. Il entre en contact avec l'immortel, mais il n'arrive plus à quitter Délos. Atlan calcule qu'une partie de Délos revient régulièrement dans l'espace normal. Bull et le lieutenant Tom Petch prennent la gazelle pour accéder à Délos de cette façon. Ils se posent en catastrophe et découvrent qu'ils sont à 6000 km du Physiotron. Ils se rendent compte très vite qu'ils ont gardé les conditions de l'espace normal et, pour eux, Délos rétrécit au fur et à mesure que la planète tourne autour d'un axe hypergéométrique. Leur gazelle tombe brusquement en panne, ses réserves d'énergie étant épuisées, et ils doivent poursuivre à pied. Leur progression est favorisée par la déformation constante. Parallèlement à leur action, une autre gazelle est envoyée sur Délos à l'aide du transmetteur fictif. L'opération réussit, ils ne subissent aucune distorsion. Leur gazelle tombe toutefois en panne d'énergie. L'équipage aperçoit des formes gigantesques, bientôt identifiées comme Bull et Tom Petch. Délos continue sa rotation sur son axe et la distorsion s'inverse. Revenu à taille normale, Bull active une génératrice permettant à la gazelle de Rodden de repartir. Le 1er mai, il passe au Physiotron. Bientôt suivi par Bull. L'énergie amenée par les deux gazelles permet à Délos de basculer dans l'espace normal. Les éditions de l'avenir vous ont présenté les résumés du cycle 2, des fascicules 60 à 69 des aventures de Perry Rodden, tels que rédigés par Michel Van Rue. Vous pouvez le trouver à rodden.stellark.com. La musique utilisée est de Kevin MacLeod, incompetech.com et Christian Martin. Cet enregistrement est diffusé sous contrat Creative Commons, Share Alike, et est une production 2014 des éditions de l'avenir. Pour tout connaître de nos productions, visitez l'avenir audio.canadblog.com. Merci de votre attention. À bientôt.